Eh oui, bah voilà, hein, commence, on pète et tout ça, quoi. C'est Pyongyang Steel Rockers numéro 419. Ce soir, pas d'invité. Enfin, peut-être que si, quand même. Il y a un personnage inconnu qui est arrivé avec Pierrock. Et avec Henri. Salut les gars. Vous allez bien? Bah, ça va, ça va. Et toi? Bah, jusqu'ici, tout va bien, quoi. J'espère que ça va marcher. Il paraît qu'on avait un petit peu des problèmes de micro la semaine dernière. C'est-à-dire que pour voir le niveau qu'on diffuse, il faut lever la tête. Donc à chaque fois que je lève la tête, hop, je suis plus devant le micro. Ouais. Voilà. On va mettre l'écran ailleurs. Et puis moi, c'est Stéphane. Donc bon, bah aujourd'hui, plein de trucs. Moi, j'ai du surf, du noise chanté, presque. Okay, okay. Noise chanté, c'est un concept. Et puis toi, je suppose que t'as du crasher comme ouais, il faut. Aujourd'hui, petite rétrospective de, on va dire, la carrière musicale de John Dead Noise. On a déjà pu passer Dust Collector la semaine dernière. Et Dead Noise aussi. Et puis on va se passer d'autres choses cette semaine. Ok. Moi, je bois. J'ai les annonces de concerts, puis deux trois petits trucs. Une prise de chou par rapport à ce qui se passe chez notre pays suzerain. Et puis pour l'instant, je rattrape mon retard de la semaine dernière où je devais passer à Munitia, le groupe polonais. Et puis j'ai pas eu le temps hein, parce que ça rigolait bien. Et puis, ça rigolait fort. Et ça cactait fort. Hein. Nous aussi d'ailleurs. Voici donc à Munitia qui sont passés la semaine dernière au bout de nos rêves. Et je sais plus où ailleurs en Belgique, mais pas en France. Voilà. Et puis donc à Munitia qui font Arena. Qui signifie, ça y est, je sais plus, et puis il faut que je le retrouve, je le dirai après. À vous d'ici. J'ai retrouvé ce que ça veut dire cette affaire, Anerina Kvarzich Valk, la reine des batailles sanglantes. Tout de suite, les Polonais, chevaliers, machin. C'est un pays où, je rappelle, le moindre village, il y a un roi. Ils sont tous rois là-bas. Et donc, tous les jeunes, c'est des princes ou des princesses. Parce qu'en fait, dans chaque bled, t'as un chef, un truc comme ça. Et donc, hop, il se met une couronne et puis, je suis roi. C'est bien, hein. C'est pratique. Alors c'est peut-être moins vrai maintenant, ouais. Mais en tout cas, à l'époque des gens en fait qui sont arrivés dans la région pour faire mineur, etc., parce que c'était des pauvres là-bas, ils disaient oh, on est bien content de plus avoir de roi. Alors les gens du coin ils disaient oh, quoi, bah ici ça fait 200 ans qu'il n'y a plus de roi. Et là ils expliquaient que ouais, non mais en Pologne en fait dans chaque village il y a un roi. Ah ouais d'accord. Et il fouette et tout. Hein. Bon, alors, c'est okay. Un peu fini quoi. Après ils sont fouettés par les Russes et ils ont compris. voilà, c'est tout. C'est pour la Pologne. Ok, bah écoute, moi je vais rester aux États-Unis plutôt. Et donc on reste proche, comme je l'ai dit la semaine dernière, de Dust Collector avec cette sortie, puisqu'on y retrouve John Dead Noise, guitariste dans les deux projets. Ah oui. Et oui, et donc ce projet en question, c'est Corpse Gas. On est une fois de plus sur du raw punk, bien influencé Crusher Crust. Si je dis pas de bêtises, c'est leur première sortie, une cassette promo de 4 titres produit par Phonophobia Records, que je suppose être le label d'un des membres, puisque c'est la deuxième sortie du label. Avant ça, il y a juste une compile en 2020. J'imagine que 5 ans sans activité pour un label, c'est que c'est sûrement un truc fait maison. Ah non, bah c'est bon, c'est quelqu'un qui prend le temps de faire bien les choses. Attends. Bah il a bien fait les choses. Et pour citer Corpse Gas, c'est une belle description Bandcamp encore. Kill the Poser, Noise for Scum, Play Noise or Die. Je vous passe deux pistes parce qu'elles sont par paquet de deux sur le Bandcamp. Voilà, c'est plus simple. Ce sera Warmonger et Buried Alive de Corpse Gas. ça est fini, c'était quoi cette affaire? C'était Crack Park, les Tournaisiens avec The Vedette qui va bientôt avoir son anniversaire, qui va fêter sa tournée. Pour l'instant, donc, c'était Crack Park qui faisait Short Circuit. On pourra les retrouver ce samedi, ouais, c'est ça, à Menin. Vous connaissez Menin? Ouais, c'est juste... Ouais, il y a une super piscine là-bas. Exactement. La meilleure piscine du coin, elle est à Menin, t'as raison. Par contre, à côté, enfin pas loin, il y a le Bouilloui sur la place Grottemarkt numéro 46. Il y aura donc non seulement Crack Park ce samedi, mais aussi Xamax, vieux groupe punk grunge, où il y a aussi quelques vedettes. Et puis ils ressortent de la tombe. C'est bien, ça sera à 19h. En plus, c'est prix libre, t'as vu. Et c'est vraiment pas loin de Lille, Roubaix, Tourcoing, encore plus près de Roubaix, Tourcoing. C'est même faisable en bus. Il y a même un monde dans lequel tu peux choper le dernier bus après le concert et retourner sur l'île. Ouais, gaffe, pour Mirage. Parce que le samedi soir, je sais pas trop. Ouais, il faut être bien, bien dans les clous, mais ça après, va. Après, de Menin, normalement, tu te peux arriver à retourner à pied jusqu'à Halluin, et Halluin, ça va, quoi. Ouais, ouais. Voilà, t'as la liane, je sais plus combien. C'est pour dire, hein, les gens qui ont pas de voiture et tout ça peuvent quand même y aller. C'est un peu une aventure. Ouais, parce que vous êtes quand même au cœur de la Meule, là. Voilà. Arrêtez de rire. Vous écoutez Pyongyang City Rockers, il est 8h, presque 13 minutes, et voici Henri. Yes, on reste dans le 10 bits avec Aspex. C'est sorti en 2012 comme leur split avec Cruel, qui est composé plus ou moins du même line-up que Aspex d'ailleurs, où on retrouve évidemment John Deadnoise, mais aussi deux autres membres qui sont justement dans Cruel ou Génération Suicida, pour citer quelque chose d'un peu plus connu. Ouais. Vous avez pu le voir se balader sur un perfecto dans l'île, normalement, ce groupe. Ouais. Ah, bravo. Aspect, c'est du 10-bit comme on aime bien en faire depuis les années 2010, avec un chant blindé de reverb, et c'est une recette qui peut parfois me fatiguer, mais ici c'est pas poussif ni trop téléphoné, enfin en tout cas c'était un peu plus peut-être les prémices de ce truc, du coup c'était beaucoup moins abusé. Et pour du 10 bits, on se comprend. Bref, je vous laisse avec un morceau qui me fait penser à du Anticimex. J'ai envie de dire When the Innocent Die, mais je pense que le riff, c'est plutôt Cries of Pain. Bref, t'es toujours sur le 106.6 MHz pour écouter Nuclear Terror par Aspex. Oui, voilà, hein, c'est. Ouais, alors je saurais pas, franchement, pas dire quel Anticimex pourrait s'agir, mais ça ressemble. Bah ouais, mais je trouve que le refrain, il y a un côté Cries of Pain, du coup, sur l'EP Raptas. Voilà, si vous voulez aller écouter du Anticimex. Youpi. Vieux groupe suédois, est-ce qu'ils jouent encore Enfin, ouais, pas sûr. Les musicos, ils sont encore dans divers groupes de temps en temps. Ils sortent pareil de la tombe pour voilà. Quelqu'un qui n'est pas sorti de la tombe, mais du profond Finistère. C'est notre invité ce soir. Bonsoir. Ouais, comment vas-tu? Salut. Très bien. Ouais. Très très bien. Allez, présente-toi. Du coup, je m'appelle Mathis et je viens de Brest, mais récemment, je me suis installé à Rennes. Ah ouais. Ouais, le paillasson de la Bretagne. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est bien, Rennes. Et bah écoute, on s'ennuie vachement quand même. Du coup, je fais quand même plein d'allers-retours entre Brest, Lille et un peu Bruxelles aussi. Je connais quelqu'un d'autre qui fait des allers-retours. Ma fille qui habite à Rennes. Et ouais, donc, Ken, tu. Alors, t'es venu dans les bagages de Pierrot, là. Ouais, ouais, qui un peu. Ouais. Mot et qui se moque de toi. J'ai même pas de sacoche avec moi. Et alors, j'ai envie un petit peu de te questionner sur. T'es plus tout à fait à Brest ou quoi que ce soit. Non, depuis 2-3 mois. 2-3 mois, ouais, donc il y a quand même de l'eau qui a passé sous les ponts et tu ne sais plus du tout, t'es plus en prise avec l'actualité brûlante, peut-être. Si, mais ouais. je reçois encore les mails, mais je les regarde plus. Ouais, les yeux loin du cœur. Alors il se passe quoi en général à Brest? Et en ce moment, c'est un peu compliqué de faire jouer des groupes, même d'avoir des lieux. On s'est battu pendant presque un an avec la mairie, voire plus longtemps, parce que. Ils ont adopté une politique de plus en plus sécuritaire. Ils ont fermé plein de lieux pendant des années. C'est des socialistes ? Oui. Ah bah voilà. Socialiste depuis, il est arrivé à la mairie en 2001. Ouais, quand même. Et avant, c'était quoi ? J'en ai aucune idée. Ah ouais, c'était la droite élue par les militaires, peut-être. Un truc comme peut-être, ouais. Je sais pas. J'étais pas encore là à l'époque. Okay. Mais ouais. Là, c'était un peu une galère. Et puis là, on essaye de revenir petit à petit. On a réussi à avoir... un lieu d'ouvert, enfin des potes ont réussi à ouvrir un lieu. Hein. Et sinon, c'est dans des bars, quoi. Et ouais, lieu, tu veux dire un truc un peu squatté ou... Sur lequel où on peut avoir la main mise, tu vois. C'est ça qu'on voulait éviter de faire avec la mairie, faire un espèce de contrat tacite avec eux où à tout moment ils pouvaient nous dire refuser une idée ou des trucs comme ça. Nous, on voulait pas faire ça, quoi. Parce qu'avant, il y avait par exemple l'Avenir, il y a 3-4 ans. Qui était un lieu full squatté où on avait toutes les libertés du monde. Enfin, genre, c'était super. Mais c'est, par essence, c'est le genre de choses qui sont toujours suspendues aux mauvaises volontés des autorités. Ça a été détruit. Ouais. Détruit. Ouais, complètement. Et à la place maintenant, il y a quoi? Un terrain vague ou terrain vague. Ouais, voilà. Avec des gros cailloux. Avec des gros cailloux pour bien empêcher. Ouais. C'est marrant, ça arrive comme ça ici. Je pense par exemple au 18 pont, où c'est toujours en cours de démolition alors que ça a été viré il y a 8 ans 7 ans Voilà quoi. Ouais, moi j'ai seulement vu de l'activité dans la cour du club aussi récemment. Là, j'ai vu des camtars charger des trucs aussi. Mais... Ouais. Ah ouais, puis le club, ouais, vers Marbrerie. Qui a fermé il y a 3 ans peut-être. Moi j'ai jamais mis les pieds. Ouais, c'était bien, c'était un bel endroit. Et donc, Brest pareil quoi. Il y a squat quand on peut squatter et puis après on s'essage. Et les bistrots ils sont pas gentils? Si, les bistrots sont cool, mais pareil, ils se tapent des interdictions de la mairie. Pas mal. Enfin, des interdictions un peu tirées par les cheveux en mode isolation phonique, remettre aux normes et tout. Ça manque d'escalier peut-être aussi. Ou l'escalier est trop raide. Peut-être, ouais. Même pas, en plus, c'est plein pied, tu vois. Il n'y a pas d'étage. Non, c'est vraiment juste pour faire chier. Donc, une braise, je pense, 2-3 lieux à exploiter, c'est terminé. Quoi. Ah ouais. Et c'est les quoi, c'est les voisinages sont chiants aussi, je suppose. Ça dépend des endroits, mais la plupart du temps, c'est même pas ça, quoi. Ouais. On a pas de police de proximité, on a la tranquillité urbaine. Et souvent, c'est eux qui viennent faire chier. C'est quoi la tranquillité? C'est comme la municipale, mais en moins bien. Ouais. C'est... Oh, là, tu rates le concours bien fort pour arriver là-bas, je pense. Pour y aller si ça tombe. Vas-y. En vrai, tu te balades. Brest. Tu te balades, hein. Brest, c'est fort loin, quoi. C'est vrai que c'est un peu le bout. Brest-Rennes, c'est genre 2h30. 2h30, ouais. 2h30, ouais. Et donc, et à côté de ça, par contre, je suis sûr qu'il y a plein de groupes. Il y a plein de gens qui veulent s'exprimer. Ouais, franchement, Brest, plein de ça... aussi, non? Ouais, pas mal. C'est vrai que... Enfin, là, il y a un peu un renouveau. Mais je pense qu'il y a... une dizaine d'années là il y avait une scène de fou là ça commence à reprendre mais il y a eu un espèce de petit trou, enfin il y avait toujours les mêmes qui jouaient aussi genre Litov syndrome tout ça qu'on a passé ici mais alors en longueur et en largeur c'est jamais arrêté c'est ouais il y a des trucs qui se reforment carrément mm-hmm. ouais Et il y a du monde, comme, enfin, j'allais dire public, mais en fait, on est à la fois public et puis partie prenante. Tu vois, il y a un public de fou, franchement, là-bas, c'est cool. Dès que tu t'organises un truc dans un bar ou quoi, enfin, il y a au moins 150 personnes qui se pointent. Ouais, c'est pas c'est mal. Cool. Ouais, franchement, c'est bien. Le bar est blindé à chaque fois. Enfin, ambiance lilloise. Bah, un peu, ouais. C'est ça qui est bien. J'ai jamais fait de concert de punk au CCL, c'est ma grande. Ah, tu vas samedi? Grand regret. Mais même pas, je suis pas là. Je suis à Brest justement samedi, ouais. Mais tu reviens une autre fois, au CCL, il y a des trucs tout le temps. Bah ouais, je sais. Même des fois, il y a des villas. T'as entendu parler des dernières nouvelles? Bah ouais, j'ai entendu. Mais on a eu la même chez nous. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Au Café de la Plage, ouais. J'espère qu'ils organisent le festival, là, ODB. Qui a pris un coup, je crois. Ouais, j'ai un pote qui s'est tapé un gros. Enfin, des points de suture au-dessus de l'arcade aussi. Ok. Hein. Mais c'était une seule fois ou alors les. C'était une seule fois, après. En fait, c'est récurrent. De plus en plus récurrent. Ouais. Mais là, vraiment, à ce point-là, là, c'était vraiment visé, puisqu'il y avait la release partie de la compile de Brest. Ouais, d'accord. Donc c'était visé à fond, quoi. D'accord, mais ouais, ils ont les malandrins ont été mis en fuite. Complètement, ouais. Ils ont fait un peu de mal, mais ils sont pas restés très longtemps. Chers amis lillois et lillois, vous voyez, Brest vous montre la voie. Ça s'est battu à coups de chaise. Ouais. Ah oui, quand même. Et donc, le patron du bar était pas content parce qu'il y a eu des chaises cassées, peut-être. Oui, il s'en fout. Bon, d'accord, ok. écoute, ouais, t'as des choses à rajouter, je sais pas, des trucs un petit peu local. Ah bah oui, local complètement. Il y a Bemnos qui joue dans pas si longtemps, mais je me rappelle plus de la date. Pour tous les émotifs de Bretagne, le 19 et le 20, on joue à Brest et à Rennes. Avec Malva. Ouais, faudra aller jusque là-bas quand même. Faudra aller jusque là-bas. Mmh. Et le 19, on joue avec Promesse aussi, très bon groupe de hardcore. Malva, ils vont jouer le 15, je crois. Non, c'est pas ça ? Je crois qu'ils passent dans le coin, ouais. Ouais, avec Lidl, non ? Ouais. Il semble qu'il y a une date Malva et Lidl. C'est peut-être organisé par GZL. GZL. Et en fait, je ne l'ai pas encore mis sur Shpunk, mais ça va arriver. Alors vous regardez shpunk.org. C'est bien. Donc tu nous donnes tes annonces de groupe qui passe à Brest. C'est sympa. Hein. Moi, je veux bien. Hein. Tu te rends compte que c'est quand même une journée de route. Hein. Enfin, si tu revois. Ouais. Je pense qu'il faut. Ouais, bah, en train, hein, c'est quoi ? Ouais, 6 heures, je pense. Ouais. Et en plus, il faut gruger. Donc. C'est compliqué. Après, bah, écoute, si tu pars maintenant à pied, ça va. Hein. Ouais, d'accord. Là, bah, écoute, d'ici au 19, je pense. Je vous laisse le studio et puis moi j'y vais. c'est bête, t'as pas eu le temps de ramener de la musique. Et on a cherché tout à l'heure avec Pierre. On voulait ramener des trucs un peu au banjo, mais on n'a pas trouvé. Banjo. Ouais, on s'écoute des trucs de cowboy depuis hier. ce que je vous propose, c'est d'écouter un truc de presque cowboy. C'est passé samedi au Bel Ouvrage. C'était Taco, Thompson and Cotson. Attention, T-A-K-O. Donc danser et vomir. c'est un vieux de la vieille qui fait les choses tout seul. Il appelle ça des sales louperies de musique, un truc comme ça. Bref, parce qu'il fait des boucles. Et puis, il empile les boucles. Et puis à la fin, ça fait du bordel. En plus, il se fait même pas chier à nommer ses morceaux. Voici par exemple. Et donc, tu regardes comment ça s'appelle ? Son conducteur. Ouais, son conducteur en bas. Conducteur. et c'est des numéros. Et c'est juste les numéros qu'il sélectionne sur son schmilblick là, pour ses boucles. Voici donc le numéro 62, la version, attention, du 9 décembre 2024. Par Taco. Merci, Richard. Oui, bah oui, il y a encore du son, qu'est-ce que vous racontez? Alors, peut-être que ça se réénerve à la fin, je sais plus. Bon, là, on va quand même prendre la parole, hein. C'était Taco. Voilà. Okay, okay. Gling, gling. Eh bah, écoute, moi je continue mon épopée John Dead Noise avec Fundamental et leur Noise Punk. Le nom du groupe s'inspire directement d'un morceau de The Swankies, aussi nommé Guy selon les sorties. Voilà, c'est cool ça. Mais Fundamental, il y a aussi un groupe de funk qui s'appelle comme ça. Qui s'appelle Fundamental, oui, ouais. Bah, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc de hip-hop, parce qu'à chaque fois que j'ai cherché les... Enfin, ils ont fait les deux, je crois. Ouais. Ok, ouais, parce qu'à chaque fois que j'ai cherché les titres, je tombais sur des trucs qui n'avaient pas grand-chose à voir. C'est bien. Bon, bref, vous l'aurez compris, on est sur quelque chose de fidèle au son des punks de Kyushu et Fédérateur, parce qu'on a quand même deux reprises, une de Blitz et une de The Boys. Ouais. Bon, je ne passerai pas ça. Bon. On notera aussi que sur la sortie du coup Six Sickly Tracks, le morceau Noise Room 2 sera utilisé par Dust Collector sur leur démo. La boucle est bouclée. Bon, ça date de 2016, c'est trouvable sur Bandcamp, parce que bon courage pour avoir du format physique. Tout... Oui. Ouais, non, vas-y, finis ta phrase. Tout a été fait par le groupe à l'époque et distribué de la mano à la mano. Mais je voulais savoir, en fait, à un moment, tu vas nous publier une espèce de carte heuristique des groupes et puis des gens qui vont de l'un à l'autre et qui s'inspirent les uns des autres, tu vois. Ça fait tout des spaghettis, tellement c'est en berrificoté, non? Bah, c'est un peu compliqué. Ouais. Le diapo, il est en cours, mais il y aura un peu trop de slides pour que ça tienne en une émission. Mais bref. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je vous conseille quand même d'aller écouter leur split avec Mutant Itch, c'est très fun. Mais nous, en attendant, du coup, on retourne sur la sortie Six Sickly Tracks pour s'écouter Idiot de Fundamental. C'était japonais, genre, peut-être, enfin je sais pas, c'était japonais non mais c'est bien non, inspiré, bon, japonais. Voilà. Ça fait japonais. Encore un truc que j'aurais dû passer il y a facilement deux semaines, cette fois c'est des anglais, mais ça chante en arabe, et c'est du vrai hardcore comme à la bonne époque, ils viennent de quelque part à côté de Londres, ça s'appelle Ikras, ça veut dire silence en arabe de je sais plus quel pays d'ailleurs, parce que vous savez, l'arabe, ils disent tous que c'est de l'arabe, direct, mais ouais. Ils se comprennent pas entre eux, hein. Tu prends un Algérien, un Syrien, et ils bitent rien, hein. Voilà. Voici le titre Anwar Al-Maout, toutes sortes de morts. C'est un truc qui invite à ne parler qu'à bon escient, car le traître est un traître et l'espion est un espion. Et où va-t-il se tapir si ça tombe, il y en a un dans cette pièce. Les illustrations de la cassette de Ikras, qui est sortie en juin 2025, sont inspirées des œuvres de l'artiste et caricaturiste palestinien Naji Al-Ali, assassiné à Londres en 1987, et dont pas mal de gens, dont ceux de Ikras, perpétue la mémoire. Voici Ikras avec Anwar Al-Maout. « Eh bah ouais, voilà. Vous écoutez Pyongyang Styrokers, il est 20h37 presque, il nous reste moins de 25 minutes, faut tracer là. Allez, The Helpless, encore une fois un nom et une direction artistique bien référencés. C'est pour les fans de Kuro, vous connaissez peut-être l'EP Who The Helpless, et de tout ce punk hardcore japonais qui s'inscrit bien dans le côté metal punk qui aura influencé par la suite toute la scène Burning Spirit qu'on a déjà pu aborder dans cette émission en parlant de Deathside, un truc à ajouter au plus sur le diaporama. Bref, même si on reste sur quelque chose de bien punk, on pensera tout simplement à Discharge et Disorder comme influence majeure de Kuro. Et du coup, bah, The Helpless étant un worship band de Kuro et en prenant en compte qu'il y a 25 ans d'écart entre les deux groupes, vous pourrez à peu près vous faire la généalogie des influences de ce groupe. Ah, encore, nous y revoilà. Oui, il y a une fois de plus John Deadnoise dedans, ainsi que Koopa, qui était déjà dans Aspex, et deux autres membres dont ça a l'air d'être le seul projet. The Helpless a donc été actif de 2009 à 2011. Et nous, on va s'intéresser, on va se passer tout simplement à un morceau de la cassette Nuclear Fire, sorti en 2010 sur Document One Records, la chanson Pain de The Helpless. Eh bien, alors que la discussion hors antenne bat son plein sur les mérites comparés de Lille et de Lille, de quoi je voulais parler ? Bah oui, est-ce que vous, le saviez-vous, la police, la Gestapo états-unienne, la ICE, la fameuse, utilise dans ses opérations diverses technologies comme les lunettes connectées, la reconnaissance faciale, les caméras des serrures Amazon Ring. Vous voyez quoi ? Ouais, Amazon, ils vendent, je sais pas s'ils font ça en France, je crois que c'est interdit en France. Mais aux USA, ils vendent des serrures connectées. Voilà, genre, c'est ça. Tu sonnes et tu vois la personne qui sonne. Exactement. Et en plus, les images sont récupérées apparemment par Amazon, stockées sur leur serveur. Ça peut servir. Pourquoi justement. Et puis, ils sont même en train de déployer un outil de surveillance et d'identification fondé sur les traceurs publicitaires gentiment fournis à l'État par les réseaux sociaux commerciaux et les plateformes que tout le monde aime tant ici. Facebook, Instagram, WhatsApp. Twitch, là, tu sais, Amazon, justement, Google, et puis toutes ces déclinaisons YouTube, tout bordel, et puis j'en passe et des meilleurs. Vous pourriez imaginer, par exemple, en France, Narine ou Jordan, au poste de chef de l'État, à partir de 2027, reprenons ces outils de maintien de l'ordre, je mets des guillemets autour, vous les voyez, les guillemets, et nous, pauvres pommes, on continue de s'égosiller. On peut rien contre le progrès. On peut aussi dire, je n'ai rien à cacher. Voire, de toute façon, ils savent tout sur moi. Ça, c'est un truc que j'ai déjà entendu ici. Hein. De toute façon, ils savent tout sur moi, donc c'est bon. n'oubliez pas que vos petites habitudes et vos gentilles opinions sont sans conséquence. Jusqu'à ce qu'un pouvoir autoritaire pénalise tel ou tel comportement, jusqu'ici, banal. C'est ça qui nous pend au nez, quand même. Donc, en attendant, si vous aimez prendre des risques pendant vos vacances bourgeoises, vous pouvez toujours viser les USA. Il paraît que Donald veut faire de son trou à rats une destination prisée. Ça fait partie des grands objectifs de son mandat, là. Ouais. D'accord. Il veut relancer le tourisme aux USA. Je sais pas si, si c'est bien engagé. Bon, il y a des gens qui aiment bien prendre des risques. Toujours est-il que voici, pour faire le lien juste avec le titre, Urlaub in der Diktatur, vacances dans la dictature. Ça parle pas du tout des USA, c'est des Allemands qui viennent du cœur de la DDR. Vous connaissez la DDR, l'Allemagne de l'Est, Easy Living. Ils viennent de Cottbus. Voici donc Urlaub in der Diktatur. Bah oui, voilà. Hein, c'est... Moi, j'adore ce truc, là. Le son de basse hyper saturé. Oh, là. C'est en plus, il est fumé. Hein. C'est longtemps que j'ai pas passé du son fumé. C'est là, fumé. C'est bien. Mmh, ouais, ça m'a accroché l'oreille tout de suite. On adore. Un jour, peut-être, ils passeront à Lille, hein, on sait pas. Ou à Brest. Peut-être, on va peut-être quand même passer. Ouais. Peut-être, on va peut-être quand même passer un titre de ton groupe, Mathis. Bah, on peut. Ouais. On va chercher. Mais pour l'instant, voici Henri qui va encore nous narrer quelques succulentes anecdotes. Exactement. Là, on enchaîne avec Anguist Live. Anguished Life, je sais pas comment ça se prononce, et leur LP Shroud of Death, faut que j'arrête de tenter un accent, sorti en 2023 chez Blown Out Media. Alors c'est un label mexicain spécialisé dans le raw punk, donc je vous invite à faire un tour sur leur bandcamp, c'est actif depuis 2019, donc ça va, vous aurez pas trop d'années de à rattraper. Et il y a notamment le projet 10 bits à tendance Kang Punk, donc d'influence suédoise, Torture, avec un tréma sur le U, et dont certains membres sont aussi dans Anguished Life, avec encore une fois John Dead Noise. Hein, ouais, mais alors, tu sais, Torture en suédois, c'est écrit T-O-R-T-Y-R. Voilà. Ouais, je suis pas sûr qu'il parle suédois, de toute façon. Je sais, parce qu'il y a un titre de Astakas, que c'est Politique Torture. Voilà. Bon. Bref, donc oui, je disais, rien de neuf à l'ouest, hein, c'est américain. Bref. C'est du Discharge, exactement, la même typo sur le disque. On y retrouve évidemment du 10 bits et des riffs de Discharge, plus une piste mid-tempo comme on aime bien en faire. J'ai pas su choisir entre un morceau purement 10 bits et le mid-tempo, alors je vous en passe deux, ça fait que 3 minutes, ça devrait le faire. Donc on s'écoute Mutilation, puis Murderous System par Anguished Life. We'll be right back. Ouais, chez Tout dit pareil, mais chez ceux qui est bon. Hein. Ah, ça marche bien. Et y a Mathis, il est encore là. Et puis, en fait, on a retrouvé un titre de son groupe. Alors, il va nous le présenter. Ah. Ouais, du coup, c'est pire qu'à Emily Day. Hein. J'ai pas un égo surdimensionné, quand même. Et toi, lâchement, tu as obéi. Bah ouais, mais je sais pas si on m'a forcé ou... Non, bah ouais, je crois que c'est Des trous dans les grillages. C'est le deuxième titre du projet. Mm-hmm. Et, qui s'appelle Démo 2025. Ouais, mais le nom du groupe. Ah, le groupe, c'est De Vagues Souvenirs, pardon. Ouais. Je fais un effort. De Vagues Souvenirs. C'est pour les gens qui notent, hein. Y en a qui notent encore. Ouais, peut-être. C'est pour écrire sur la jaquette de la cassette après. Ouais. On enregistre. Bref. Et puis quoi ? Ouais, c'est un morceau qu'on aime bien jouer. Encore. Et de toute façon, on va ressortir un album cette année. C'est en cours. Et du coup. Suite à la sortie de l'album, il y aura une petite tournée. Ouais, on essaye de s'organiser depuis un moment. C'est un peu une galère. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ont un chien tout récemment d'ailleurs. Du coup, c'est un peu comme un enfant. Faut le prendre le chien, non ? Ouais, c'est ça. Tu le mets sur la galerie du minibus Volkswagen. Et puis, ouais, voilà. Et bah, bisous à Flo, Fanch et Basile. Et puis, on s'écoute ça du coup. Donc, de vagues souvenirs, des trous dans les grillages. Ouais. Merci Mathis. De rien. Enfin, si ça démarre. Est-ce que ça démarre cette affaire, ouais. Reste 8 minutes pour nous défendre. Défendons-nous donc. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 419. Et Henri, il y a quand même un concert à présenter. Ouais, qui va avoir lieu. Je vais présenter ça avant d'oublier. Et du coup, le 31 pardon, janvier, samedi, donc qui arrive au CCL, dans ton CCL, prix libre comme toujours. CCL ou rien. Exactement, c'est écrit sur le fly. CCL ou rien. Bon, si vous avez vu passer le fly, c'est Short Days hein, qui joue, pas Short Days, mais bref. C'est bien les jours où on trie les gens, tu vois. C'est ça. Non, ça va, je fais des petites blagues. Je le connais, celui qui fait le flyer, ça va. Et c'est écrit CCL ou rien ou CCL du rien. Non, ça va. Le haut, je trouve que ça va. Parce que ça pourrait être CCL du rien, et là, c'est pour ça expliquerait les odeurs. Ouais, moi, si tu reviens le lendemain matin, pour ceux qui font le ménage, c'est un peu CCL du rien, pardon. Mais c'est de votre faute, bande de sales punks. Je te jure. Bon, vous aurez le droit au, j'ai envie de vous dire, au triptyque des meilleurs groupes lillois, quoi. Short Days, Violence Banalisée, Chart Division, Que demandait le peuple. Violence Banalisée qui se met au ska-punk. Je suis tout à fait d'accord avec en cette tout cas, étiquette. C'est ce qui est écrit sur le flyer, j'ai la preuve sur papier, là. Je soutiens le collègue qui appelle ça du ska-punk. Je suis tout à fait d'accord. Et il y aura les... J'ai peur de vous dire une bêtise. Ouais. Ils sont basés à Bremen, Hambourg. Ouais, on peut en dire tout cas, ça a un nom français. Ah ouais. Ah, comme quand on dit Berlin ou Hambourg. On ne dit pas Hambourg, Berlin. Ah, c'est vrai. Hein, bon, bah alors, on dit Bremen. Bremen, ok. Bah, je ne connais pas les autres noms des villes. C'est comme ça quand tu vas le PEC et que tu es caché à Bremen comme ça. Bah, j'ai le droit. Ouais, non, il a rien compris, là, monsieur Breton. Ouais. On va t'expliquer après. Mais bref, il y aura du coup, surtout, pour le groupe en tournée, Nao, donc ça chante en portugais, tout simplement, ouais. Pour la sortie du dernier LP qui s'appelle Obrigada, et on va s'écouter le morceau Destruir, voilà, l'accent enfin, est toujours pas là. Quelque chose d'intéressant. C'est ça, de Nao, et bah écoute, on se met ça tout de suite. Youpi ! On se voit samedi. On entend actuellement en fond sonore, vu que je baisse un petit peu le potard, sinon on n'entend rien, c'est les Agamemnons, groupe qui viennent de, je sais plus, Rouen, Caen, un truc comme ça, enfin quelque part en Normandie, et ils font du surf, et ils font la tournée Grand Duc, ils seront à Calais à la Timbale vendredi, ils seront au Centre Culturel de l'Écart samedi pour un 11h11 du matin, et puis ensuite ils filent à Gand au Wiesekasten, c'est samedi soir, ils seront avec je sais plus quel autre groupe de surf. Le surf c'est pour passer pour dire bonjour aux copains qui aiment bien le surf. Oui, j'aime bien aussi. Mais... voilà. Pyongyang City Rockers, c'est fini pour ce soir. C'était la 419e, dis donc, avec plein de gens bien autour des micros. Merci Mathis de nous avoir parlé des heures et malheurs Bresto. et de nous avoir passé un titre de ton groupe. Bah, un jour, tu reviendras, puis tu passeras plus de trucs. Ouais, de ouf. Ouais. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la 420e. Et puis après, ce sera la 421, t'as vu ? Ça va être rigolo. et puis, d'ici là, on n'oublie pas. Ah, Cab. Bah voilà. Il dit rien, il a peur, Pierrot. Non, c'est parce que j'adore les flics. on en parlera en fait. Allez, au revoir. Radio Campus Lille, 21h.